Il vient à moi, il paraît avoir à me parler. Je vous salue, monsieur Lucido. Eh bien, qu'est-ce ? Comment vous va ? Vous avez bonne mine, Aster. Oui, je me porte assez bien, monsieur Blaise. Faut convenir que votre maladie vous a bien fait du profit. Vous la morguez plus rougeau, plus varmeille. Ça réjouit, ça me plaît à voir. Je vous en suis obligé. C'est que j'aime tant la santé des braves gens. Elle est si recommandable. Surtout la vôtre, qui est la plus recommandable de tout le monde. Vous avez raison d'y prendre quelque intérêt. Je voudrais pouvoir vous être utile à quelque chose. Voirement. Cette utilité-là est belle et bonne. Et je viens tout justement vous prier de m'en gratifier d'une. Voyons. Vous savez bien, monsieur, que je fréquente chez Madame Argante. Et sa fille Angélique, elle est gentille au moins. Assurément. C'est, ne vous déplaise, que je voudrais avoir sa gentillesse en mariage. Vous aimez donc Angélique ? Oh, cette créature-là m'affole. J'en parle si peu d'esprit que j'ai. Quand il fait jour, je pense à elle. Quand il fait nuit, j'en rêve. Il me faut du remède à ça. Et je viens voir vous à cette fin, par votre moyen, et pour l'honneur et le respect qu'on vous porte ici, sauf vous de grâce, et si ça ne vous tourne pas à importunité, de me favoriser de quelques bonnes paroles auprès de sa mère, dont j'ai tout besoin de la faveur. Je vous entends. Vous souhaitez que j'engage Madame Argante à vous donner sa fille. Et Angélique, vous aime-t-elle ? Oh, dame, quand parfois je lui compte ma chance, elle rit tout son cœur et me plante là. C'est bon aussi, n'est-ce pas ? Ni bon ni mauvais. Au surplus, comme je crois que Madame Argante a peu de bien, que vous êtes fermier de plusieurs terres, fils de fermier vous-même... Et que je suis encore une jeunesse, car je n'ai que 30 ans, et demeure folichonne, un Roger Bontemps. Le parti pourrait convenir sans une difficulté. Laquelle ? C'est qu'en revanche, des soins que Madame Argante et toute sa maison ont eu de moi pendant ma maladie, j'ai songé à marier Angélique à quelqu'un fort riche, qui va se présenter, qui ne veut précisément épouser qu'une fille de campagne, de famille honnête, et qui ne se soucie pas qu'elle ait du bien. Morgué ! Vous faites là un vilain tour avec votre avisement, monsieur Lucidor. Voilà qui m'est bien rude, bien chagrinant et bien traître. Jarniguez, soyons bons, je l'approuve, mais ne foulons personne. Je suis votre prochain autant qu'un autre, et ne faut pas peser sur ce pour alléger ce là. Moi qui avais tant de peur que vous le mouriez, c'était bien la peine de venir 20 fois demander comment va-t-il et comment ne va-t-il pas. Voilà-t-il pas une santé qui m'est bien chanceuse. Après vous avoir mené moi-même ce là qui vous a tiré 2 fois du sang et qui est mon cousin, faut que vous le sachiez, mon propre cousin Germain, ma mère était sa tante. Et Jorny, c'est pas bien fait à vous. Votre parenté avec lui n'ajoute rien à l'obligation que je vous ai. Sans compter que c'est 5 bonnes 1000 livres que vous m'ôtez comme un sou et que la petite aura en mariage. Calmez-vous. Est-ce là que vous en espérez ? Eh bien, je vous en donne 12. Pour en épouser une autre et pour vous dédommager du chagrin que je vous fais. Quoi ? 12 000 livres d'argent sec ? Oui, je vous les promets. Sans vous ôter cependant la liberté de vous présenter pour Angélique. Au contraire, j'exige même que vous la demandiez à Madame Argante. Je l'exige, entendez-vous ? Car si vous plaisiez à Angélique, je serais très fâché de la priver d'un homme qu'elle aimerait. Mais c'est comme un prince qui parle ! 12 000 livres ! Oh, les bras m'en tombent, je ne saurais me ravoir. Allons, monsieur, boutez-vous là que je me prosterne devant vous, ni plus ni moins que devant un prodige. Il n'est pas nécessaire, point de compliment, je vous tiendrai parole. Oh, après que j'en été si mal appris, si brutal. Et dites-moi, roi que vous êtes, si par aventure Angélique me chérit, j'aurons donc la femme et les 12 000 francs avec. Ce n'est pas tout à fait cela, écoutez-moi. Je prétends, vous dis-je, que vous vous proposiez pour Angélique indépendamment du mari que je lui offrirai. Si elle vous accepte, comme alors je n'aurai fait aucun tort à votre amour, je ne vous donnerai rien. Si elle vous refuse, les 12 000 francs sont à vous. Elle me refusera, monsieur, elle me refusera. Le ciel m'en fera la grâce à cause de vous qu'il désirait. Prenez garde, je vois bien qu'à cause des 12 000 francs, vous ne demandez déjà pas mieux que d'être refusé. Hélas, peut-être bien que la somme m'étourdit un petit brin. J'en suis friand, je le confesse. Elle est si consolante. Je mets cependant encore une condition à notre marché. C'est que vous feigniez de l'empressement pour obtenir Angélique et que vous continuiez de paraître amoureux d'elle. Oui, monsieur, je suis fidèle à ça. Mais j'ai bonne espérance de n'être pas digne d'elle. Et même, j'avons opinion si elle osait qu'elle vous aimerait plus que personne. Moi, ouais, maître Blaise, vous me surprenez. Je ne m'en suis pas aperçu. Vous vous trompez. En tout cas, si elle ne veut pas de vous, souvenez-vous de lui faire ce petit reproche-là. Je serais bien aise de savoir ce qui en est, par pure curiosité. On n'y manquera pas, on y reprochera devant vous, direct, monsieur le commande. Et comme je ne vous crois pas mal à propos glorieux, vous me ferez plaisir aussi de jeter vos vues sur Lisette, que sans compter les 12 000 francs, vous ne vous repentirez pas d'avoir choisi, je vous en avertis. Hélas, il n'y a qu'à dire, on servira y tout sur elle. Je l'aimerai par mortification. J'avoue qu'elle sert Madame Argante, mais elle n'est pas de moindre condition que les autres filles du village. Eh, voirement, elle en est née native. J'en ai bien faite d'ailleurs. Charmante, monsieur Vara l'appétit que je prends déjà pour elle. Mais je vous ordonne une chose. C'est de ne lui dire que vous l'aimez qu'après qu'Angélique se sera expliquée sur votre compte. Il ne faut pas que Lisette sache vos desseins auparavant. Laissez faire à Blaise. En lui parlant, je lui dirai des propos où elle ne comprendra rien. La v'là, vous plaît-il que je m'en aille ? Rien ne vous empêche de rester.